Chapitre 6e. Le premier Européen qui ait décrit l'échu du Niagara est un prêtre français, le franciscain Hennepin. Il les vit vers l'an de grâce 1678. Mais dans le demi-siècle qui précéda cette date, elles avaient dû être connues successivement de Champlain dès 1615, des Jésuites qui de 1634 à 1647 n'exécutèrent pas moins de 18 voyages entre le Saint-Laurent et le lac supérieur, et enfin de Robert de la Salle, qui en 1670 releva minutieusement les contours des lacs Érié et Ontario. Si le silence gardé par ces explorateurs sur cette merveille de la nature américaine est difficile à expliquer, le peu qu'en ont dit leurs successeurs jusqu'à la fin du siècle dernier n'est pas moins étonnant. Il est vrai que les routes suivies alors par les trafiquants, les chasseurs et les missionnaires laissaient toute le Niagara à une certaine distance. Sur les rives des lacs et des rivières, leurs tributaires, s'élevaient déjà des établissements prospères, des villes florissantes, que rien ne troublait encore la solitude des grandes cataractes. Lorsque l'auteur d'Atala vint tremper ses pinceaux dans ces colonnes d'eau du déluge, c'était encore une aventureuse entreprise que de se frayer un chemin dans les lacis infréquentés de la forêt immense qui leur servait de rempart et de cadre. Aujourd'hui, tout cela est bien changé. Le courant des visiteurs qui s'épanche annuellement vers les fameuses chutes semble aussi abondant que celui de leurs ondes. Sans doute, ainsi que l'ont affirmé des écrivains de la génération qui nous a précédés, on pouvait jadis, dans le double silence de la nuit et de la forêt vierge, saisir à plus de 10 000 de distance les sourds mugissements de la cataracte. Mais aujourd'hui, les hurlements des machines à vapeur, voguant, glissant dans toutes les directions, les sifflets des chauffeurs, les vociférations et les cris des camionneurs et des cochers, les clameurs et les murmures sans nombre et sans trêve, s'élevant des fermes, des usines et des maisons de campagne alignées tout le long du fleuve, forment un concert où se perd à distance, comme dans l'orchestre d'une académie impériale de musique, la voix du grand artiste que l'on voudrait entendre. En outre, le soi-disant village qui couvre, sous la rive américaine, le plateau rocheux d'où se précipite le fleuve, ne diffère en rien, dans ses rues longues, droites et larges, dans ses nombreuses et fraîches constructions, ses 6 églises, ses 12 élégantes hôtelleries et sa banlieue de magnifiques villas, de ce qu'on a l'habitude d'appeler une belle et bonne cité. De l'antique forêt ne cherchait pas vestige. On l'a métamorphosée en jardin, dessiné avec plus ou moins de goût, en tapis de gazon bien peigné, bien velouté, en corbeilles de fleurs rares. Enfin, les nombreuses usines, les scieries, les papeteries, alignées le long des chutes mêmes, dont une portion détournée par une prise d'eau a été consacrée à l'industrie, font penser involontairement au cheval Pégase, empêtré d'un digne harnais et soumis à l'accrabage d'un maquignon ou au fouet d'un charretier. Au reste, les âmes naïves, qu'émeut encore le spectacle de la nature, la sainte poésie de la terre, doivent se féliciter de pouvoir contempler le Niagara tel qu'il est aujourd'hui, car s'il était entré dans l'esprit de quelque Barnum de le diviser, subdiviser et détailler en étangs et mares de parc, en ruisselets de jardin, en jets d'eau de parterre ou même en bocaux à poissons rouges, il l'aurait fait. À peine descendu à l'hôtel Clifton, bâti en face de la chute, je montai au belvédère, d'où l'on aperçoit dans toute leur étendue ces deux sections qui appartiennent, l'une aux États-Unis, l'autre au Canada. La première présente une ligne droite de 320 mètres de développement, tandis que la seconde, longue de 600, se contourne et se creuse en forme de fer à cheval, ce qui lui a fait donner le nom anglais de Horse Show. Par ces deux larges brèches ouvertes dans une digue rocheuse taillée à pic, se précipite tout le trop-plein du lac Érié, trop-plein évalué mathématiquement à 90 millions de mètres cubes par heure, ou si l'on aime mieux, à 15 millions d'hectolitres par minute. Le nom de Niagara est une transformation du mot iroquois Ongakara, qui signifie l'eau retentissante comme le tonnerre. On ne pouvait trouver une plus juste dénomination. Devant un tel spectacle, la première impression est la stupeur et l'homme, incapable d'analyser ce qu'il éprouve, a besoin d'un peu de temps pour observer les détails de ce vaste ensemble. Quel peintre, quel musicien, quel écrivain en pourrait rendre l'effet saisissant? Les merveilles de la nature éveillent en nous simultanément une foule de sensations complexes. La plume peut à peine noter l'une après l'autre chacune de ces impressions qui se confondent et s'harmonisent pour exalter notre admiration. En face du spectateur s'élèvent des rochers rougeâtres, dont la couleur fait ressortir les brillantes teintes de la masse liquide. Verdâtre à son sommet, Celle-ci avait né au-dessous de filets d'argent, puis se perd dans l'abîme en avalanche d'écume neigeuse. L'île de la chèvre, Goat Island, se trouve au milieu des deux chutes qui semblent à chaque instant devoir l'entraîner dans leurs impétueux tourbillons. Bien qu'elle résiste, grâce à ses puissantes assises, il s'en détache quelquefois des quartiers de rochers qui roulent dans des gouffres insondables. Une couronne de végétation apparaît seule au sommet de l'île et surmonte les nuages épais qui, du sein de l'abîme, s'élèvent parés des étincelantes couleurs de l'arc-en-ciel. Du fond du gouffre bouillonnant, monte en roulement de tonnerre la voix de la cataracte qui célèbre les grandeurs de sa propre création. Depuis plus d'une heure, je me trouvais sur le belvédère de l'hôtel lorsque j'entendis retentir les sons bruyants du gong, cloche chinoise, fort en usage aux États-Unis. C'était l'appel du dîner. Autour de la table, 200 voyageurs étaient assis. Les dames en grande toilette portaient des robes décolletées, beaucoup plus convenables pour un bal que pour un repas d'auberge ou une promenade champêtre. Dans ces repas, le champagne coule à flot, et chaque convive trouve auprès de lui la carte du menu, toujours si variée que délicat. Les nombreux domestiques entrent dans la salle, posent les plats sur la table et marchent avec une régularité toute militaire. On cause peu, mais on mange beaucoup et vite. Au Niagara comme ailleurs, l'Américain semble toujours poussé par une voix intérieure qui lui crie « Debout et marche !» Une côte rapide conduit de l'hôtel à la station d'un petit bateau à vapeur, destiné à porter les promeneurs le plus près possible de la cataracte. Mais comme cette fois nous étions un trop petit nombre d'amateurs, le steamer changea sa direction et descendit le courant rapide du Niagara. Le fleuve coule entre deux murailles rocheuses dont les interstices nourrissent toujours une puissante végétation. Mais au milieu de ces rameaux, dont une constante humidité entretient la verdure, ne cherchez pas avec l'auteur d'Atala des carcajous se suspendant par leur queue flexible au bout d'une branche abaissée pour saisir dans l'abîme les cadavres brisés des élans et des ours. Le fleuve aujourd'hui vous réserve d'autres étonnements. Cette grande ligne noire qui court devant vous dans le bleu du ciel, c'est le grand pont suspendu qui unit la rive américaine à celle du Canada, Great Suspension Bridge, œuvre gigantesque par laquelle le génie américain semble avoir voulu lutter de grandeur avec le Niagara lui-même. Ce pont se compose de deux tabliers superposés à 8 mètres d'intervalle. Les piétons et les voitures passent sur le pont inférieur. L'autre est réservé au convoi des chemins de fer de New York, de l'Érié et du Grand Occidental. Rassuré par la solidité des câbles de fer de cette construction, je me hasardais, après avoir payé un péage d'1,25 franc, à m'aventurer jusqu'au milieu du pont, qui n'a pas moins de 250 mètres de longueur et se balance au-dessus des flots mugissants du Niagara, à une évaluation plus grande que celle de la croix du Panthéon au-dessus du pavé des rues environnantes. Sur ce chemin aérien, il me semblait que j'étais balancé dans l'espace. Heureusement pour moi, le tablier supérieur n'étant pas encore terminé, nul convoi à vapeur ne pouvait en ce moment passer à quelques mètres au-dessus de ma tête. 2 mois plus tard, j'aurais pu expérimenter ce complément de vertige. On évalue le prix de revient de ce pont étrange qu'à 2 500 000 francs. Puisse-t-il durer longtemps pour l'honneur de l'industrie humaine ? J'avoue qu'en le quittant, je remis avec plaisir le pied sur le sommet des rochers qui bordent le fleuve, et bientôt j'arrivai au-dessus d'un bassin circulaire dominé par des montagnes escarpées. En cet endroit, l'eau, obéissant à l'impulsion de courants opposés, décrit une série de cercles concentriques et forme ainsi un tournant qui présente, dit-on, une différence de 3 mètres entre le niveau de son centre et celui de ses bords. Les troncs d'arbres qui sont entraînés permettent de suivre facilement le courant de ce vaste tourbillon. Rentré à l'hôtel pour dîner, j'allais dans la soirée admirer l'aspect grandiose et romantique de la cascade, argentée par les rayons de la lune. Je ne sais si le souvenir de la belle plage que Chateaubriand a consacrée aux splendeurs mélancoliques d'une nuit passée sur ces mêmes rivages ne me poussait pas, à mon insu, à y prolonger jusqu'au jour ma promenade et mes rêveries solitaires. Mais j'avoue que la fraîcheur humide de l'atmosphère me fit regagner prosaïquement ma chambre bien close et mon lit longtemps avant que le fleuve eût cessé de refléter dans son sein les constellations de la nuit. Dès le lendemain matin, 12 septembre, un petit bac me conduisit sur la rive américaine. Là se trouve un escalier en bois qui mène au plus haut sommet qui domine le fleuve. Moyennant une légère rétribution, un char mu par un mécanisme, vous épargne même la fatigue de cette ascension et vous transporte, commodément assis, au-dessus de la cataracte qui se présente de profil, tandis que, sous les pieds mêmes du spectateur, un large torrent couvre d'écume la cime des rochers et se précipite en frémissant dans l'abîme. On a établi un pont sur le courant rapide qui forme la chute américaine. Ce passage serait effrayant, sans les petits îlots de rochers qui, semblables à des sentinelles avancées, sont postés au bord du précipice. On arrive ainsi à l'île de la chèvre, Goat Island, dont on peut faire le tour en voiture dans de gracieuses allées, percées dans des bois touffus où à chaque pas on aménageait de jolis points de vue sur les rapides formés par l'écoulement du lac Guerrier. Les bords de cet impétueux torrent et les quelques îlots qu'il ronge incessamment offrent l'image de la lutte des éléments et sont jonchés de troncs d'arbres déracinés. La carcasse d'un navire brisé sur les rochers ajoute à l'effet de ce tableau de destruction. Tous ces flots agités semblent hâter leur course vers l'abîme. Un long escalier est adossé aux parois de Goat Island. Je le descends jusqu'à une petite cabane où se tient un grand diable de nègre, le guide de la grotte des vents. Il me propose immédiatement une excursion sous la cataracte centrale. J'accepte cette offre qui me paraît aussi bizarre que tentante. Il me faut d'abord remplacer mes vêtements par une chemise et un pantalon en laine, puis recouvrir le tout d'un costume complet en caoutchouc. Mon guide porte le même uniforme. C'est après terminé, nous partons et bientôt nous sommes sous la cascade qui nous accueille par une large douche. C'est le baptême du Niagara. Un escalier, fragile et glissant, s'enfonce sous la voûte liquide. Nous descendons avec précaution et le nègre m'avertit de tenir ma main devant ma bouche, car sans cette précaution il serait impossible de respirer au milieu du nuage de gouttelettes d'eau qui tourbillonne autour de nous. Une masse épaisse de cristal verdâtre s'arrondit en arche devant nous et laisse à peine tamisée dans ses couches liquides une douteuse clarté qui nous guide dans un petit sentier le long des rochers dont la paroi s'incline sur nos têtes. Nous cheminons ainsi dans un couloir de pierre et d'eau où l'on ne peut rien distinguer, où tout autre son que le fracas épouvantable de la chute des ondes ne saurait se discerner. Enfin, nous atteignons une petite anfractuosité du roc, où l'air, emprisonné et refoulé sans cesse par l'irrésistible colonne d'eau de la cataracte, s'agite en violent tourbillon et a valu à cet enfoncement le nom de grotte des vents. Accroupis dans cette étroite retraite, nous respirons à plein poumon, et pendant quelques minutes, nous plongeons du regard dans l'épaisseur du fleuve qui se précipite par-dessus nous. Le nègre me demande si j'ai le courage d'aller plus loin. Je me lève et nous voilà repartis. Mais nous avançons avec peine et en marchant sur des cailloux roulants. Cependant, j'avançais toujours, quand le guide m'arrêta sur le bord même d'un ressaut de rochers formant un précipice que nul n'a encore sondé. En conséquence, je casse un fragment de roche en souvenir de ma périlleuse exploration. Puis nous revenons sur nos pas et bientôt j'éprouve, je l'avoue, une vive satisfaction à respirer en plein air. Un éboulement, un faux pas ou même la chute d'une pierre pouvaient, dans cet humide souterrain, mettre un terme à ma curiosité et à mes voyages. Le guide me donna un certificat constatant que j'ai traversé la cataracte centrale. Ce papier, dont j'offre le fac-similé au lecteur, me rappellera une exploration que je ne recommencerai certes pas, mais que je recommande à tout être blasé et en quête d'émotion. Elles ne lui feront pas défaut dans la grotte des vents. En remontant gaiement l'escalier, je souhaitais bonne chance à des jeunes gens qui se préparaient à visiter le couloir sous-marin. Le visiteur a toujours à y redouter, entre autres périls, un de ces éboulements qui ont déjà plusieurs fois modifié l'aspect des chutes du Niagara. On a vu de nos jours des masses considérables se détacher de l'une et l'autre rive. Le fleuve, en effet, lime sans cesse la surface du rocher d'où il se précipite et les tourbillons de la cataracte en creusent incessamment la base. Les géologues assurent qu'autrefois la chute se trouvait à Lewiston, non loin du lac Ontario. Elle se rapproche ainsi du lac Erie. Peut-être un jour la digue qui sépare les deux lacs et qui diminue toujours d'épaisseur disparaîtra complètement et leur laissera confondre les niveaux d'aujourd'hui si différents de leurs eaux. Combien de siècles s'écouleront avant cette époque?